je lève les mains vers toi pour implorer ta grâce, pour être rempli de toi et te voir face à face, Jésus. Jésus, je suis perdu sans toi. Écoute ma voix, réponds-moi, Jésus. Jésus, je suis perdu sans toi. Entends, écoute ma voix. Tu me murmures, je t'aime. J'ai tout donné pour toi et j'ai subi l'anathème en souffrant sur le bois. Je suis venu pour toi souffrir et mourir pour toi. À la croix, je suis venu pour toi souffrir, mourir pour toi. Je t'ai sauvé, béni par mon sang purifié. Oh, laisse-moi te guérir et tout te pardonner. Je suis le chemin et la vie. En toi je dépose mon esprit. Aujourd'hui je suis le chemin et la vie. En toi je dépose mon esprit. Aujourd'hui je suis le chemin et la vie. Je dépose mon esprit.